vacances dansent devant moi. Je sens mon cœur qui bat au rythme des vacances dansent devant moi. Je sens la vie qui va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de lancer leur danse devant moi. Je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence danse des pas me grise et je ne sens plus autre. Je dans laquelle immense pense fou de joie brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes gens venus, sarabande de légendes, monde mystérieux, tes yeux. Devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme des pas que tu danses, danses devant moi. Je sens la vie qui va, et je pense, pense que jamais, jamais il ne devrait t'arrêter dans cette danse devant moi. Danse si puis n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le faux gras, et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool, l'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool. Tu danses devant moi, tu danses si puis n'arrête pas. Tu danses, danses devant moi, tu danses si puis n'arrête pas. Et allez ouais. L'alcool, l'alcool, coule à flot. L'alcool, l'alcool. Tu danses devant moi, tu danses si puis n'arrête pas. Et tu danses, danses devant moi, tu danses si puis n'arrête pas. N'arrête pas.